So, Hélène's been given the number, she's dialed it, she's got through, and in a moment we'll hear the result of her call. But first, some new vocabulary. Écoutez le français, puis l'anglais, et le français encore, et répétez. Commençons. Angleterre. England. Angleterre. Nous revenons. We are coming back, or returning. Nous revenons. À bientôt. See you soon. À bientôt.